laisse le business au gars qui rappe mieux que toi. Yo. La clique à moi. Yo. Laisse le business au gars qui rappe mieux que toi. Yo. La clique à moi. Je représente ce que la jeunesse aujourd'hui veut entendre. Un pro, les cons, les peu corrompus de que rien ne peut fondre. Takla, les accords de vrais pros. Rien que la vérité, rien que la vérité. Je représente ce que la jeunesse aujourd'hui veut entendre. Un pro, les cons, les peu corrompus de que rien ne peut fondre. Takla, de vrais pros. Rien que la vérité, rien que la vérité. Laisse le business aux gars qui rappent mieux que toi. J'ai la voix, le talent, les mots qu'il te faut pour parler de tout ça. La vie dure, c'est combat. Les frasheurs. Je suis trop crédible, tu le vois. Au micro des barres flots, rien que la vérité. Je parle de ce qui m'entoure, le ciel gris, les tours, les joies, les peines, l'amour, le stress de tous les jours. Pour les jeunes, c'est l'instant présent qui compte, l'avenir est flou. J'ai traversé les tunnels, les plus sombres, j'irai jusqu'au quoi. D'une manière ou d'une autre, n'essaie pas de me la faire à l'envers. J'ai d'autres méthodes pour te calmer que celle de te faire mal envers. Vive peinard et être ouvert, obligé d'avoir l'esprit ouvert. Pour réussir, y'a des limites, je suis quand même pas prêt à tout faire. Quitte à faire le sale boulot, je préfère de loin sud à qui me t'affaire. Affamé, reste de speed comme un Ducati, menteur compressé. Je reste net, donne pas mon boule. J'y mets un point d'honneur compris, c'est ma cause, mon optique, ma raison, ma manière de voir qui pousse autrui à rien devoir, on soit à remplir mon devoir. Texte assez mental d'enfer, pourquoi rouillard, faut pas t'en faire. J'investis jamais ma clique dans des business nulle part ailleurs. Ce côté incorruptible, tu le retrouves nulle part ailleurs. Je représente ce que la jeunesse aujourd'hui veut entendre. Un pro, les cons, les peu corrompus, que rien ne peut fondre. La clique à moi, des incorruptibles. De vrais pros, rien que la vérité, rien que la vérité. Je représente ce que la jeunesse aujourd'hui veut entendre. Un pro, les cons, les peu corrompus, que rien ne peut fondre. La clique à moi, des incorruptibles. De vrais pros, rien que la vérité, rien que la vérité. Si je rappe, c'est parce que j'aime ça. Kicker en mic, tu crois que je vais le choix. Je suis né pour ça, crois pas, je sais rien faire de mes 10 doigts. Mais c'est la vie qui l'a voulu, ainsi c'était écrit. Je serai un MC. Fort un battant qui vibre pour ce qu'il dit. C'est ma liberté, ma façon d'exorciser mes mots, de représenter comme il faut ceux qui voudraient parler. T'as peur de quoi dit. Je fasse une émeute dans toutes les cités, c'est ça qui dérange les quais, puis l'état. Je suis leur pire ennemi, je représente mon pays. Pourquoi? Parce que celui-ci ne veut pas de moi. Les contrôles abusifs des flics me font bien comprendre mes droits. Extradition, expulsion, on avait déjà le chômage, l'exclusion. Je veux pas savoir ce qui viendra, j'ai mes raisons. Mais je vendrai pas mon âme, il faut serait mon message pour être plus accessible. Baila, baila. Mais là, je suis un incorruptible. Je représente ce que la jeunesse aujourd'hui veut entendre. Un pro, les cons, le peu corrompu, que rien ne peut fondre. La clique à moi, des incorruptibles. De vrais pros, rien que la vérité, rien que la vérité. Je représente ce que la jeunesse aujourd'hui veut entendre. Un pro, les cons, le peu corrompu, que rien ne peut fondre. La clique à moi, des incorruptibles. De vrais pros, rien que la vérité, rien que la vérité. Je représente la jeunesse, les jours gris, la peur d'un lendemain, son boulot. Yo maman, t'inquiète pas, j'ai ce qu'il faut, je mérite ce qu'il y a de plus beau. Le marque ma liberté d'expression, ma fonction, parler de vérité sous forme d'amour, de haine, toutes sortes d'émotions. Pose pas de questions, m'impose aucune condition. J'ai mes convictions, le pognon dévie jamais ma direction. Plein sud, garçon, une vraie attitude, tu râles soluble. C'est juste prélude d'une nouvelle ère, tu râles pur. Le magma légitime dépense un crime pour certains lignes. Pour les jeunes, mes rimes assassines. Je serai jamais une victime. Fier de moi, sûr de moi, concret dans tous mes projets. J'ai intérêt d'y croire, l'état va te compter dans son budget. En aucun cas, je serais une putain de cible. En tant que vrai gars, Raphaël est incorruptible. Quoi, quoi? Ma cause. Je représente